À quatre, où est, où sont? Aïna. Écoutez et répétez. Où est la poste? Aïna al-Barid. Où est l'hôtel? Aïna al-Funduq. Où est le café? Aïna al-Maqha. Où est la banque? Aïna al-Masraf. Où est la mosquée? Aïna al-Jami'a. Où est l'aéroport? Aïna al-Matar. Où est la gare? Aïna al-Mahatta. Où est la boutique? Aïna al-Dukkan. Où est ta femme? Aïna zawjatak. Où est ton mari? Aïna zawjik. Où est son école? À lui? Aïna madrasathu. Où est sa voiture? À elle? Aïna sayyaratha. Où sont nos hôtes? Aïna duyufna. Où sont mes lunettes? Aïna nazzarati. Où sont mes chaussures? Aïna hidai. Où sont tes livres, Sami? Aïna kutubak. Où sont vos enfants? Aïna auladkum. Où sont leurs affaires? Aïna agradhum. Où sont leurs bagages? Aïna haqa'ibhum.